stream s'allume, la connexion s'établit. Riders kilo mic, le moment est choisi. Les viewers arrivent, l'ambiance s'installe. Une vraie famille, loin des réseaux banals. J'ouvre le chat, un sourire partagé, des mots qui résonnent, des liens tissés. Chaque stream est un pont, une invitation à vivre ensemble sans hésitation. Pas de faux semblants, juste de l'authenticité. Dans chaque phrase, la sincérité. Les viewers sont là, toujours présents. Cette connexion est notre moment. On vit le moment, quand avec Riders Kill, c'est évident. On passe douce, voix qui enlace. Une vraie famille, pas de façade. On vit, on partage, on crée ensemble. On rentre dans ce live, rien ne nous ressemble. Les trolls passent, les amis restent. Le chat s'anime, la joie manifeste. Un flow posé, une vibe sincère. Dans ce monde virtuel, tout est clair. De son enveloppe, la douceur s'installe. Chaque note glisse, une balade idéale. Rider Ski au micro, un vrai compagnon. Dans ce live, une vraie passion. On vit le moment, avec Rider Ski, c'est évident. On passe douce, voix qui enlace. Une vraie famille, pas de façade. De zéro, on partage. Chaque instant compte, chaque mot touche. Le live est chaud, la vibe nous pousse. On rigole, on s'entraide, on s'écoute. Dans ce stream, on évite la déroute. Les viewers présents, la famille unie. Unie par le son, la musique infinie. Le flow monte, la nuit s'allume. Riders Kill guide, l'énergie s'allume. Une pause douce, un souffle partagé. Le live respire, l'énergie chargée. Demain sera là, on reprendra. Avec Riders Kill, toujours là. C'est évident, on passe douce, voix qui enlace. Une vraie famille, pas de façade. On vit, on partage, on crée ensemble. Quand dans ce live, rien ne nous ressemble. On unique, on fort, avec Riders Kill. C'est évident, on passe douce, voix qui enlace. Une vraie famille, pas de façade. On vit, on partage, on crée ensemble. Quand dans ce live, rien ne nous ressemble. Riders Kill, la voix du live, la famille.